évoque souvent la révolution néolithique pour parler du bouleversement socio-comportemental qui a fait passer les sociétés humaines de groupes nomades de chasseurs-cueilleurs à des civilisations sédentaires d'agriculteurs qui ont elles-mêmes conduites à nos sociétés modernes. Mais à partir de quand l'être humain ou nos ancêtres ont-ils commencé à se constituer en société ? À partir de quand, de quel niveau d'organisation sociale et de quels critères peut-on parler de société ? Cette émergence s'est-elle déroulée de façon homogène ou s'est-elle répartie dans le temps et dans l'espace de façon multiple ? Bref, à quel moment peut-on dire que l'être humain est devenu un corps social ? Quand l'être humain est-il devenu un corps social ? C'est donc le problème que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger dans cette histoire et interroger les racines de nos sociétés humaines, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Aline Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue, enseignante-chercheuse au Muséum d'Histoire Naturelle. Bonjour Roland Despoulet. Bonjour. Vous êtes préhistorien, également maître de conférences au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous faites tous deux partie du département Hommes et Environnement, ce qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui. Vous pouvez suivre, bien vous le savez, comme chaque jour, cette émission sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors c'est un vaste sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Peut-être faut-il commencer par poser les bases de certains concepts comme celui de faire société. Peut-on dire par exemple de certains groupes d'animaux, bien entendu des primates comme les chimpanzés entre autres, qu'ils font société, Aline Thomas? Si on part du principe que la société c'est un groupe organisé d'êtres vivants, ça peut être effectivement des animaux et des humains. On parle de société pour les animaux. L'idée étant de penser des groupes qui ont établi des relations durables, qui relèvent de règles, de lois communes. Roland Despoulet. Je vais être peut-être terre à terre, voire même sous terre, si vous me permettez, Nicolas. Parce qu'en fait, pour revenir à cette notion de société ou de culture, deux termes un peu ambivalents, ce qui serait peut-être intéressant de rappeler au tout début, c'est comment nous, archéologues, on définit ce mot de culture. Et l'un des mots qui me vient tout de suite, moi, à ce propos, c'est le mot de preuve archéologique. On ne fait pas d'archéologie scientifique sans apporter des preuves. Alors, en même temps, c'est la nécessité absolue, et en même temps, c'est notre boulet, c'est notre parce que les preuves nous obligent parfois à limiter nos interprétations. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que pour parler de culture ou de société dans un temps très long, là on parle en dizaines, en centaines de millénaires, il nous faut apporter des preuves de ça, et ces preuves on les trouve en fouillant, c'est pour ça que je parlais de sous terre, lors des fouilles archéologiques, mais aussi dans les musées, dans les collections. Donc on passe par la matérialité des objets pour... ce qui pose problème, on pourra en rediscuter, mais voilà, on part de là. On va en rediscuter dans quelques instants, notamment à travers le reportage du jour. La difficulté étant évidemment que plus on remonte dans le temps, plus les preuves deviennent rares, plus elles sont ténues et plus elles sont complexes d'interprétation. Tout à fait. Peut-être, vous avez cité un autre mot, là aussi j'aimerais votre réaction à vous deux. Vous avez parlé de culture, est-ce que ça signifie que faire société, c'est la bascule entre cette opposition vieille comme le monde, entre nature et culture? Est-ce que c'est le détachement de la nature pour passer à la culture, à votre avis, Aline Thomas? Faire société, c'est... disons que la culture va caractériser ce qui fait société. Et là, pour ce qui nous concerne, pour les populations préhistoriques, et comme vous le disiez, plus on remonte dans le temps, plus les preuves sont ténues, on va plutôt parler de culture archéologique, qui a un sens très particulier. En deux mots, bien la sûr. Culture archéologique, comme on utilise ce terme pour parler de ce qui fait, dans un temps et un espace donné, un ensemble homogène. Mais c'est un ensemble essentiellement matériel. C'est des preuves archéologiques que l'on va trouver sur le terrain. Ça va être des formes d'outils communes, ça va être des formes ou des décors de poterie pour les populations plus récentes auxquelles moi je m'intéresse, au néolithique, des formes d'architecture, qu'elles soient funéraires ou domestiques. Donc là, on va parler essentiellement de culture matérielle avant de parler de culture plus générale qui intègre là-dedans les données immatérielles qui vont être, qui relèvent de la langue, de la croyance, de la biologie de ces populations qui font groupe, qui font société ensemble. Et qui sont le fruit, pour le coup, d'interprétation de ces preuves matérielles. Absolument. Roland Espoulet, sur cette opposition nature-culture, c'est ça, là, se faire société, passer de l'un à l'autre? Faire société, en fait, moi, ce qui me revient immédiatement à l'esprit, parce que j'ai écouté, Philippe Descola était là il y a peu de temps, il était là lundi. Et son apport dans l'anthropologie sociale, enfin dans l'anthropologie de la nature, c'est de nous permettre de comprendre que notre point de vue occidental, en fait, ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste ou le naturalisme, pose question, c'est-à-dire qu'on est ethnocentré. Et c'est la même chose qui se passe en préhistoire, c'est exactement ce que vient de dire Aline, c'est-à-dire que l'interprétation qu'on va faire de nos objets, que ce soit des squelettes humains ou des silex taillés, c'est également ce que nous, on conçoit la société. Et cette différence entre nature et culture, Philippe Descola l'a parfaitement démontré, et d'autres bien sûr, n'existe pas dans toutes les sociétés aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous permettrait d'imaginer que dans le temps passé, c'était pas la même chose? On va vous mettre d'ailleurs tout de suite le lien vers ce grand entretien qui était notre première émission de l'année lundi, avec Philippe Descola, le lien sur le fil Twitter de l'émission. Une autre définition qui est classiquement utilisée en sociologie cette fois-ci, celle de Durkheim, explique que toutes les sociétés se développent par les mêmes stades, qui vont vers une complexification croissante, mais qu'elles ont une même forme source identique. Qu'est-ce que serait la forme source d'une société ou des sociétés humaines telles que vous pouvez le constater en tant qu'archéologue ou que paléo-anthropologue, Roland Espoulet? La source commune, c'est ce qu'on est capable de voir. En archéologie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Mais c'est aussi dans cette matérialité-là, c'est-à-dire dans les objets qu'on retrouve et dans quel état on les trouve. Il y a un terme qui est peu connu grand public, mais qu'on appelle la taphonomie. C'est en fait toute l'histoire du vestige à partir du moment... Prenons un exemple. Un homme préhistorique dans un abri sous roche il y a 22 000 ans taille un morceau de silex, abandonne ses silex sur le sol, et 22 000 ans plus tard, une équipe d'archéologues fouille ça. Donc la taphonomie, c'est la science qui étudie tout ce qui s'est passé entre ces deux temps, le temps A et le temps B. Donc pour moi, la réponse, c'est aussi dans la temporalité. Alors, nous, on travaille sur des objets qu'on peut parfois qualifier d'hyper-objets, parce que quand on parle de milliers d'années, c'est des choses qu'on a difficulté à se représenter. Donc d'abord, une question de représentation. Aline Thomas, peut-être aussi un mot pour dire, parce que là, on voit qu'on manipule d'emblée, quand on pose cette question, beaucoup de disciplines distinctes, et que penser ce passage de l'animalité à la société, de l'animalité à l'humanité, qui est la question de faire société, finalement, c'est la rupture avec l'animalité, ça convoque à la fois la préhistoire, la paléontologie, la paléoanthropologie, la sociologie, l'archéobiologie, la taphonomie, ça demande vraiment une grande, grande ouverture d'esprit et de transdisciplinarité. Absolument, ça demande de la transdisciplinarité. C'est exactement le terme. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, on va avoir affaire essentiellement à la culture matérielle, mais cette culture matérielle va relever de différentes spécialités, différentes disciplines pour les analyser, parce qu'on va avoir affaire à les objets qui se conservent. Il faut donc toujours garder qu'on a, on a vraiment qu'une toute petite fraction de ce qui avait été produit matériellement. On a les objets qui ont été produits dans des matériaux qui se conservent. Mais bon, donc ça va relever de spécialités différentes pour les restes lithiques, pour les restes céramiques. On va s'intéresser également aux données anthropologique et biologique, parce qu'on va, dans le discours sur l'identification des sociétés, de ce qui fait société et des cultures, on va aussi s'intéresser aux restes humains et aux traces que gardent ces restes humains de leur comportement, de leur vivant, de leur mode de vie, de leur état de santé, etc. Donc, à nouveau, une autre discipline qui doit être totalement intégré à la discussion. Oui. Et bien justement, c'est ce qu'on va aller voir pour ces premiers indices de constructes sociaux chez les homininés. Et bien, on l'a dit, ce sont des indices ténus, et vous venez de le dire, ce sont des indices qu'on trouve notamment sur les restes fossilisés. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Musée de l'Homme pour comprendre bien précisément comment la paléoanthropologie peut faire parler des ossements en quête de pratiques sociales et ou culturelles. Oui, je suis allée voir Sandrine Pratt, qui est paléoanthropologue. Au Musée de l'Homme, elle s'intéresse à l'émergence des premières cultures chez les homininés, donc avant Homo sapiens. Les fossiles qu'elle a pu étudier au Kenya ont montré l'existence d'une forme d'organisation sociale par l'analyse des ossements de crâne, mais aussi des dents. Elle a pu déduire des informations sur les régimes alimentaires et au-delà sur les comportements sociaux. Mes recherches sont sur les périodes très anciennes, à partir de 3,3 millions d'années jusqu'à à peu près 1,5, donc sur l'émergence des premières cultures et surtout en tant que paléanthropologue, l'émergence du genre Homo et des hominidés qui étaient avant. Quels sont les éléments dont vous disposez qui vous permettent de reconfigurer un peu les protocultures dont vous parlez ? Donc, le travail de terrain se fait au Kenya dans le cadre d'une mission archéologique qui s'appelle West Turkana Archaeology Project, qui est dirigée par Sonia Armand. Donc moi, en tant que paléanthropologue, ça va être l'étude quand on en trouve des restes d'hominines, quelle que soit la période. Mais c'est vraiment un travail pluridisciplinaire, donc je travaille également sur les fouilles archéologiques. Et donc c'est vraiment la conjonction du travail avec les géologues et surtout avec les archéologues qui nous permettent d'estimer ce qui pouvait être ces premières cultures. Mais ça, c'est vraiment le travail des archéologues pour la définition de ces outils. On a ici sous les yeux des ossements de type homininé qui nous permettent de témoigner de ces premières cultures. Voilà. Alors là, sous les yeux, c'est une chimère d'Afarensis. C'est le groupe de Lucie. Et donc, typiquement, on va soit trouver des restes crâniens. Australopithèque, du coup. Voilà. Du coup, Australopithecus Afarensis. Mais c'est la même période chronologique que les premiers outils. Et nous, typiquement, sur le terrain, ça va être des fragments de crâne ou des fragments d'éléments du squelette, mais surtout des dents, parce que les dents sont les éléments qui se conservent le mieux de par l'émail. Et donc, on a des caractéristiques morphologiques particulières qui vont pouvoir nous permettre de déterminer à quel groupe on a affaire. Par exemple, on voit bien le moulage des dents. Qu'est-ce que les dents, la dentition, permet de déterminer comme information sur les comportements alimentaires, sociaux ? Alors oui, les éléments dentaires sont très intéressants sur beaucoup de points de vue. Donc le premier, en effet, par rapport à l'alimentation. Donc il y a éventuellement la morphologie de la dent qui va nous indiquer des éléments par rapport au régime alimentaire, mais surtout les micro-usures au niveau des dents. Donc ça permet de dire s'ils mangeaient des aliments plutôt durs ou plutôt souples, enfin moins durs. Également, on peut faire des analyses d'isotopes pour savoir quel type d'alimentation ils mangeaient. Et également, donc là sur Afarensis, c'est une espèce qui est relativement dimorphique, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les mâles et les femelles. Et ça peut être assez intéressant par rapport à l'organisation sociale, parce que ça va être un des éléments, donc ce dimorphisme sexuel, cette grande différence, en les comparant avec les sociétés de primates actuelles, qui va pouvoir nous déterminer, enfin, on va supposer l'organisation sociale de ces groupes. Donc en fin de compte, voilà, la base au départ, c'est qu'on va calculer la différence, notamment au niveau des canines, puisqu'en fin de compte, les mâles ont des canines plus importantes que les femelles. Et donc c'est la hauteur, donc là, ça va être vraiment le travail du paléanthropologue de faire ce calcul-là. Et on va pouvoir après corréler et comparer par rapport à des données qu'on a sur les populations actuelles et après le relier éventuellement à l'organisation sociale de ces individus. Ça va être ça notre démarche. Vous parliez de primates. Est-ce que en comparant les ossements de primates et d'hominidés comme celui-ci, on peut en tirer des explications sur les sociétés qui pouvaient y avoir à des temps reculés comme ça? En fait, quand on fait toujours donc les hominidés sont aussi des primates, mais on fait toujours cette comparaison par rapport de l'actualisme, par rapport aux sociétés actuelles de primates, donc chimpanzés, gorilles, orang-outan, et en effet, ça va pouvoir nous aider à comprendre un peu ce regroupement social et cette organisation sociale. L'idée, c'était d'appréhender l'organisation sociale d'hominidés anciens. Autant sur les primates actuels, on peut faire de l'éthologie et voir cette organisation sociale, autant sur les périodes passées, on n'a pas du tout ce type de preuve. Donc là, on va inférer, c'est-à-dire qu'on va regarder la différence entre les mâles et les femelles sur les populations anciennes, et on va comparer par rapport à ce qu'on sait sur les primates actuels, et on va essayer de voir quelle pouvait être cette organisation sociale. Donc là, en fait, on a un schéma où on a représenté l'homme parmi les bonobos, les gibbons et les orang-outans, voilà, les gorilles, chimpanzés. Il y a les premiers hommes ici. Là, vous avez un autre groupe qui sont des paranthropes. Et en effet, d'après cette étude, on peut constater que donc, les premiers hommes sont plutôt proches, puisqu'il y a quand même un faible dimorphisme sexuel chez l'homme actuel et même chez ses ancêtres, qui se rapproche plutôt de ce qu'on peut voir chez les chimpanzés, donc qui est les chimpanzés communs, qui sont multi-mâles et multi-femelles. En fin de compte, les données donc, sur le terrain, prendre le maximum de données, de photos, etc., Et à partir de là, l'analyse va être vraiment en laboratoire, en comparant, soit avec les données publiées, soit en effet en prenant, en faisant des mesures sur des grands singes actuels, etc. Donc on a tout un travail comparatif à faire. Après, parfois, on a la chance de pouvoir avoir des données scanners qui sont faites sur nos individus. Donc là, il faut faire tout un travail de reconstruction, d'études, notamment, par exemple, de l'épaisseur de l'émail, si on a des données scanners des dents, et de comparaison. Parce qu'après, l'idée, c'est de pouvoir comparer avec des données qui existent. Tout le travail se fait après le terrain. Et après, il faut toujours, parce qu'on fait toujours partie d'une équipe pluridisciplinaire, donc après, c'est toujours en concertation et en échange avec les autres disciplines. Et on essaye de travailler avec des gens qui sont dans d'autres disciplines, éventuellement, pour pouvoir avancer sur certaines problématiques. Voilà le reportage du jour sur les premiers indices, puisque ce ne sont que des indices ou des interprétations de construction sociale chez les Australopithèques. Une réaction, l'un et l'autre, à ce que vous avez entendu à l'instant, Aline Thomas ? Alors, sur la démarche méthodologique, c'est assez intéressant d'entendre Sandrine Pratt parler de des démarches méthodologiques sur ces populations très, très anciennes, parce que c'est exactement la même démarche que l'on applique sur les populations plus récentes, qui restent préhistoriques, mais pour des populations qui ont 10 000 ans, ce qui est hier. Australopithèque, on est à 4 millions d'années. Hein. Voilà, donc cette résolution chronologique en tête, on s'aperçoit qu'on continue. Alors évidemment, ce qu'on disait en préambule, les preuves vont être augmentées, le nombre de preuves augmente, donc on va pouvoir croiser les données avec davantage d'informations quand on arrive sur des populations qui ont 10 000 ans. Mais finalement, c'est la même démarche, c'est-à-dire que oui, on tente de voir si on a des comportements, elle parlait de comportements alimentaires différents entre les hommes et les femmes, on va tenter derrière, donc on va, à nous, de la même manière, on va faire un diagnostic d'abord pour déterminer qu'est-ce squelette est homme et quel squelette est femme, de façon différente, parce que le squelette des Australopithèques n'est pas le même que le squelette Homo sapiens, mais on a des méthodes pour ça. Et puis derrière, on va tenter de croiser avec d'autres informations archéologiques, funéraires, pour tenter de voir si les différences alimentaires entre les hommes et les femmes sont corrélées à des différences de statut funéraire, des statuts sociaux, et tout ça dans le même sens d'aller caractériser la culture humaine auquel on s'intéresse. Roland Despoulet. J'apporterais peut-être un complément à ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est que je m'intéresse donc aux cultures matérielles et notamment aux techniques, c'est-à-dire à la façon dont on taille les matériaux durs, par exemple. Et ce qu'évoquait Sandrine Pratt sur cette mission West Turkana, qui est une mission extraordinaire, une mission au long cours, parce que ça fait des années qu'il travaille dans cette région est-africaine, c'est que il y a un des sites qui a été publié en 2015, donc il y a très peu de temps, c'est le site de Lomekui 3, dans lequel ils ont trouvé, alors non pas des vestiges humains, cette fois c'est pas des os qu'ils ont trouvé, mais environ 150 outils ou pierres taillées, qui ont, alors le résultat est doublement extraordinaire. Le premier point, c'est que ça a vieilli d'un seul coup, en une publication et un site, de 700 000 ans, les plus anciennes industries fabriquées, on pourra en parler peut-être, mais donc, on en avait parlé ici, on avait fait une émission consacrée précisément à l'industrie lithique et à l'outillage suite à cette... Alors ça c'est le premier point qui est extraordinaire, c'est de vieillir d'un seul coup de 700 000 ans, ça pose des tas de questions, notamment sur l'auteur. Donc c'est pas Homo, c'est pas la lignée Homo qui est l'auteur de ces premières industries. Mais l'autre élément, moi, que je vois aussi, c'est que en discutant avec les collègues préhistoriens, archéologues qui travaillent sur ces industries, une fois cette série de pierres taillées découvertes, il a fallu les interpréter. Et ce qu'ils ont découvert à ce moment-là, c'est que ce qu'ils avaient sous les yeux ne correspondait à rien de ce qui était connu. Ce qu'on connaît bien, c'est l'Olduvaïen, par exemple. Ça vient, ces industries qui ont été définies dans la gorge d'Olduvaï. Donc c'est les industries classiquement à 2,5 millions d'années, ça c'est bien défini, on connaît plein de sites, mais dans ce site du Kenya, de Lomekui 3, on trouvait une industrie qui ne correspondait pas à ces critères-là. Et le travail qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire aussi bien des expérimentations que des études très pointues de technologie lithique, ils sont en train de mettre en lumière une nouvelle façon de tailler le silex. C'est-à-dire que ça compte, pour moi, ça prend le contrepoint de, on l'évoquait tout à l'heure à travers la citation de Durkheim, les cultures humaines iraient dans une complexité croissante. En fait, non, ça marche pas du tout comme ça. Il faut pas dire qu'on passe, par exemple, du galet taillé à la fusée Ariane ou à l'iPhone. Ça marche pas du tout comme ça, l'histoire des techniques. Et c'est ce qui est démontré dans cette ce travail fabuleux de l'équipe de Sonia Armand, c'est qu'en découvrant cette nouvelle industrie, on découvre un nouveau savoir-faire qu'on ne connaissait pas et qui n'est pas hiérarchisable dans l'histoire des techniques. C'est une nouvelle façon de faire. Et on vient vous remettre le podcast vers cette émission qui s'appelait Premiers outils, une énigme de taille, avec un excellent jeu de mots comme nous le savons en concocter. Un dernier mot sur ce reportage qui est intéressant, et puis on va parler plus généralement, puisque vous venez de l'évoquer, Aline Thomas, des sépultures, mais on entend la question essentielle du dimorphisme. Est-ce que ce dimorphisme sexuel serait le premier signe, lorsqu'il est corrélé, qui plus est, à des modifications en termes de sépulture, des premiers signes d'une organisation sociale? Alors, en tout cas, le facteur sexe est un des facteurs d'inégalité, de différenciation sociale. Le dimorphisme, après, la difficulté pour les populations sapiens, c'est que le dimorphisme sexuel, il est très difficile à détecter. Finalement, un squelette d'homme et un squelette de femme est très semblable. Et le seul moyen morphologique de différencier l'homme de la femme à partir de son squelette, c'est son bassin. C'est le seul os qui est de façon universelle dimorphique, de façon suffisante en tout cas pour classer les deux groupes. Donc déjà, ça, une première étape pour aborder ces questions-là, c'est d'avoir une diagnose sexuelle fiable, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ne serait-ce que parce qu'on a affaire à des squelettes fragmentaires. Pour les populations très reculées, si on a une dent isolée, à moins d'aller extraire l'ADN et donc d'avoir l'ADN endogène et de connaître donc le sexe à partir de ces données-là, ce qui est rare pour des problèmes de conservation de l'ADN, cette dent, elle est difficilement rattachable à un sexe. Elle ne l'est pas, en fait. Donc, une fois qu'on a déjà passé ce problème méthodologique et qu'effectivement, on constate qu'il y a des comportements, on a évoqué le comportement alimentaire, mais ça peut être aussi des activités physiques qu'on peut détecter sur les squelettes également. Comme par exemple? On peut déterminer qu'un squelette a été sollicité sur le plan biomécanique de façon plus importante sur le membre supérieur et donc par rapport au membre inférieur, par exemple, et donc extrapolé sur des activités manuelles beaucoup plus importantes. Ou arboricoles. Exactement. Donc voilà, si on arrive à corréler ça au sexe, on peut définir, en tout cas commencer à dessiner ce qui a pu dans les sociétés constituer des différences de comportement entre les hommes et les femmes. Des premières briques d'une organisation sociale. Roland Espoulet, vous partagez cette analyse. Tout à fait, oui. Je crois que Aline Thomas vient de bien, pour moi en tout cas, de mettre en exergue une chose, c'est que l'os humain est un matériau absolument extraordinaire pour parler de ces dimorphismes et donc de structuration sociale. Si on prend de l'autre côté, je reviens sur mes outils taillés, mes pierres taillées, si on les prend toutes seules, elles ne racontent rien de ça. Par contre, la corrélation des deux, le travail interdisciplinaire, on suppose une activité à partir des enthésopathies, par exemple sur les os humains, et on va voir dans le registre archéologique si ça colle. On est là dans une méthode hypothético-déductive où on peut aller réinterroger les objets fabriqués par ces hommes-là pour savoir si ça, l'interprétation de l'anthropologue et du biologiste colle avec l'objet archéologique. Et dans ce cas-là, on a un outil extraordinaire qui est développé depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs une technique d'analyse qui est née en Russie. Ça s'appelle la tracéologie fonctionnelle, avec des microscopes électroniques notamment et beaucoup d'expérimentations. On arrive à reconstituer très précisément, lorsque c'est bien conservé, l'usage, ou plutôt le dernier usage, de tels tranchants de silex. Et dans ce cas-là, on a vraiment une corrélation, cette fois-ci, avec l'environnement. On a donc l'homme, en quelque sorte l'acteur, les outils et l'environnement qui sont le décor qu'on essaye de faire vivre. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h24, nous parlons tout au long de cette heure dans la méthode scientifique sur France Culture de l'apparition et de la naissance des premières sociétés humaines ou humanoïdes ou hominines. Bref, on est en train d'essayer de voir et de trouver un curseur pour placer l'endroit approximatif de l'apparition de ces premières constructions sociales. Nous en parlons avec Aline Thomas et Roland Espoulet, respectivement archéo-anthropologue et préhistorien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Aline Thomas, les traces archéologiques qui sont en quelque sorte les premiers marqueurs d'une organisation sociale, ce sont les sépultures. Est-ce qu'une sépulture, ça indique nécessairement un rite funéraire? Alors, on peut poser même la question autrement. Déjà, est-ce qu'un squelette indique une sépulture? Ça, c'est pas tout à fait, ça c'est pas du tout sûr. Est-ce qu'une sépulture indique une pratique funéraire? C'est ce qu'on sous-entend, sachant que la sépulture relève d'une interprétation, celle de l'archéologue. En d'autres termes, à partir du moment où l'archéologue définit un dépôt de restes humains comme relevant d'une sépulture, alors il sous-entend qu'il y a une pratique funéraire. Donc je dirais que c'est plutôt ça. Toute la difficulté étant d'identifier la sépulture. Pour des populations préhistoriques, on va se retrouver face à un squelette. La question est de savoir si ce squelette, il est là tombé par hasard et enseveli pour X raisons taphonomiques qu'évoquait Roland Espoulet tout à l'heure, ou est-ce que ce squelette a été déposé volontairement dans une fosse, a été protégé pour que ce squelette nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il a relevé d'un geste, d'une intentionnalité avec une connotation positive? Parce que simplement enfouir un corps pour le cacher dans le cadre d'un meurtre, par exemple, on va avoir du mal à évoquer le terme de geste funéraire dans ce cas-là. Donc on parle de connotation positive pour, dans le cadre d'une sépulture qui relève de gestes intentionnels. Donc la difficulté de l'archéologue, c'est justement de faire la différence entre les restes épars d'humains qui relève de tout un tas d'autres facteurs taphonomiques, de la sépulture volontaire. Les plus anciennes sépultures aujourd'hui, Roland Espoulet, que l'on est identifié, elles datent de quand? Autour de 100 000 ans. Elles sont le fait de Néandertal et Sapiens. Et j'aimerais ajouter quelque chose. En fait, c'est une question. Ce que j'aimerais ajouter, c'est... et pour revenir finalement à cette nécessité de distanciation vis-à-vis d'un point de vue, le point de vue, il faut quand même rappeler, pardon, que l'histoire de la préhistoire, elle naît principalement en Occident, dans un contexte idéologique tout à fait particulier, on va dire un matérialisme scientifique, et que le modèle retenu comme preuve archéologique de l'apparition d'une notion, on va dire religieuse liée à la mort, pratique funéraire, la preuve qui est retenue, c'est la sépulture en fosse, c'est-à-dire on creuse une tombe, on dépose un corps ou plusieurs corps, parfois on y associe des objets, enfin il y a un rituel, et on rebouche le tout. Et ça, dans le monde occidental, dans le passé occidental, c'est une sorte d'invariant. Simplement, aujourd'hui, si on regarde sur la planète les différentes pratiques funéraires, elles sont extrêmement variées, elles sont extrêmement complexes, et la sépulture en fosse n'est pas la norme. Donc, c'est là que je voulais en venir... Reviens à Philippe Descola. Exactement. Et là que je voulais en venir, c'est que pour les archéologues, on a cette notion de preuve qui est indispensable. La sépulture, c'est une preuve, comme vient de le dire Aline, d'un rituel funéraire. Mais lorsqu'il n'y a pas eu sépulture, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Autrement dit, on a des sépultures en fosse, des tombes aux alentours de 100 000 ans, dans différentes régions du monde, notamment au Proche-Orient. Là, on a une preuve. Mais qu'est-ce qui nous permet d'aller plus loin, ou qu'est-ce qui ne nous permet pas d'aller plus loin, plutôt, dans le temps, c'est-à-dire plus anciennement, s'il n'y avait pas eu de rituel en tombe, on ne peut pas en parler, en fait, tout simplement, on ne peut pas en parler. Alors, l'élément que je voudrais rajouter, mais on pourra peut-être en le redévelopper après, c'est une expérience de terrain que j'ai eue pendant une dizaine d'années en Dordogne, où on a eu ce changement de paradigme, où on cherchait une tombe et on ne la trouvait pas. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est il y a simplement 20 000 ans, autour de 22 000 ans. Est-ce qu'on peut dire que malgré cet ethnocentrisme que vous évoquez, le passage d'un groupe... On peut parler du fait que la sépulture en elle-même constitue de facto un geste symbolique, donc une pratique symbolique, donc une brique supplémentaire d'organisation, de conceptualisation, donc d'organisation sociale, Aline Thomas. Oui, alors absolument. En préambule, effectivement, la sépulture n'est pas, comme le dit Roland, et il faut vraiment garder ça en tête, n'est pas le seul moyen d'avoir un geste funéraire autour d'un cadavre. Et il y a énormément de cadavres qui ont été traités autrement et qui ne nous sont pas parvenus. La sépulture, elle a un avantage pour nous, archéologues. Elle est extrêmement favorable au travail de l'archéologue parce qu'elle vise à protéger le corps. Donc, elle permet de sauvegarder la preuve archéologique jusqu'à nous. Maintenant, on le sait aujourd'hui, et c'était sans doute le cas dans le passé, la façon de gérer ces morts dans le respect de la mort, de ses croyances, peut être tout autre chose. Ça peut être abandonner le corps au vautour, ça peut être l'immerger, le brûler. L'incinération fait partie aussi des pratiques funéraires d'un même préhistorique. Donc pour en revenir à votre question sur qu'est-ce que la sépulture, donc pour... même si on n'a que ça à nous mettre sous la dent pour parler des pratiques funéraires qui implique directement le corps humain, la sépulture, elle nous permet aussi, tout de suite, dans un premier temps, de nous dire que l'homme a eu une conscience métaphysique. Et c'est ce qui, et c'est intéressant, donc, comme le soulignait Roland tout à l'heure, c'est que cette conscience métaphysique, elle est commune, pas uniquement à Sapiens, mais à Sapiens et Néandertal. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le fait uniquement de notre espèce. Roland Espoulet, finalement, ne pas faire de la sépulture le plus petit dénominateur commun d'une conscience symbolique de la mort ou d'une conscience métaphysique, mais de dire que c'est en tout cas, s'il y a eu d'autres formes, en tout cas une preuve que cette conscience a existé. Oui, c'est exactement ce que vient de dire très précisément Aline, c'est que on n'a que ça à se mettre sous la dent. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire qu'on ne peut rien dire sur cette structuration sociale découverte grâce à l'étude des sépultures, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir en tête cette distanciation-là. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans la discussion qu'on a eue avec Aline avant l'émission, il y a un autre phénomène, je crois que c'est très important de le rappeler, c'est la temporalité. Et vous l'évoquiez, plus on remonte dans le temps, plus les preuves sont détruites, puisque voilà, ça, le temps fait disparaître les preuves archéologiques, et qu'il est clair qu'on peut avoir une image qui est probablement vraie d'une structuration de plus en plus forte des sociétés, notamment au passage du néolithique, non pas la révolution, mais la néolithisation qui est multiple. Mmh. Il peut y avoir ça, mais il y a aussi le fait qu'on a plus de documents archéologiques pour cette période-là, donc on peut mieux en parler. Mais il y a quand même des faits archéologiques, comme l'effort que peut faire un groupe pour inhumer un corps, pour lui donner une postérité. Je crois que ça ouvre vers ce que Aline, notamment c'est la période qu'elle étudie, le mégalithisme par exemple. Et un dernier mot avant justement d'arriver au passage paléolithique-néolithique. Lévi-Strauss estimait, lui, que les premières briques sociales dans des sociétés de petite taille sont fondées sur le principe d'alliance, c'est-à-dire sur le mariage, sur la parenté, qui serait en quelque sorte l'armature de l'organisation sociale. Est-ce qu'on peut l'identifier dans un travail paléoanthropologique ou archéologique, Aline Thomas? La parenté sociale, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'archéologues et d'archéoanthropologues. Pour les périodes néolithiques, on va essayer de l'inférer, de l'approcher en, d'une part, en abordant le recrutement des le recrutement, c'est la sélection des individus qu'on fait dans un cimetière, par exemple, et on essaye de regarder si, à l'aide notamment des données génétiques, si on a des parentés génétiques entre ces populations. Et on constate par exemple si on a une parenté génétique qui nous amène à un ancêtre commun de type maternel et énormément d'ancêtres communs de type paternel, on va avoir tendance à penser qu'on est dans le cadre où les hommes auraient bougé beaucoup plus que les femmes, et donc les hommes viennent de l'extérieur. En réalité, c'est des choses qu'on approche et on arrive à aborder cette question-là. Et ce qu'on constate, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs que l'exemple que je viens de donner, qui est un exemple au hasard, mais où on constate effectivement que quand on arrive à avoir ce type de données génétiques, on constate que la variabilité génétique de type maternel est beaucoup plus importante que celle pour un groupe donné, hein, que celle relevant de la génétique de type paternel. Et donc, on fait la proposition que les hommes étaient, qu'on était dans un système patrilocal où les hommes étaient plutôt sur place et les femmes venaient de l'extérieur. Roland Espoulet. Une autre façon d'aborder cette notion de déplacement, nomadisme, même si cette notion est très floue finalement telle que je l'évoque maintenant, mais gardons ce mot-là, au paléolithique cette fois-ci, il y a un élément dans les productions matérielles qui est très intéressant et qui se développe beaucoup, c'est l'étude des matières premières. C'est-à-dire que quand on a un site, on a un lieu qui fait l'objet de fouilles, on trouve des matériaux, et ces matériaux ont une provenance qui peut être très locale, parfois c'est sur le lieu même naturel où on trouve le silex, parfois c'est à 5 km, parfois à 50. Et donc, en retraçant l'origine des matières premières, on fait une cartographie, une sorte de paléocartographie des circulations. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Là, je parle en particulier pour ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, c'est-à-dire la période entre moins 40 000 et moins 10 000 ans en Europe occidentale et centrale. Ce qu'on observe, c'est que les déplacements les plus courants se font rarement au-delà de 50-60 km. Donc ça veut dire que le réseau d'approvisionnement, et ça, on peut très bien d'ailleurs inférer ça pour les pratiques cynégétiques, pour la chasse, se fait dans un périmètre assez restreint. Et ça, c'est très stable dans le temps. Ça dure pendant des millénaires. Mais par contre, il y a toujours des mouvements qui sont plus discrets, d'apport de matériaux beaucoup plus lointains. On trouve par exemple des matériaux qui traversent toute la France, voire une partie de l'Europe. Et là, la question qui se pose, et là on n'a pas encore la réponse évidemment, c'est est-ce que ce sont les gens qui se sont déplacés? Est-ce qu'il y a vraiment un déplacement de population? Ou est-ce que ce fragment de silex exogène a été transmis de proche en proche et est arrivé jusqu'à l'endroit où on l'a trouvé enfoui? Mais là, ça pose bien la question en fait de cette double dimension, on va dire une dimension locale, et ce nomadisme paléolithique qui s'inscrirait plutôt là-dedans, et un nomadisme où des mouvements de population à beaucoup plus grande échelle. Un des témoins de ça, c'est au Gravettien, une des cultures du paléolithique supérieur, on trouve des statuettes féminines tout à fait spectaculaires, qui répondent à des critères et à des normes esthétiques qui sont assez communes entre l'Oural et l'Espagne. Donc là, il y a un territoire qui se dessine par ces statuettes, qui est un territoire, une identité culturelle à très très grande échelle, qui est bien sûr pas l'identité du quotidien, mais qui est une identité culturelle qui est transmise, qui nous arrive et qu'on peut donc interpréter par l'art. If I were a human being, I'd head straight for New Orleans, and I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. You heard of Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. I'm gonna blow this horn till the cows come home, and everyone's gonna bow down to me. Thank you, I'll thank you. I love you too, baby. When I'm myself again, I want just the life I have. A great big party every night, that doesn't sound too bad. A redhead on my left arm, a brunette on my right, a blonde or two to hold the candles, and that seems just about right. Hey, Louis, life is short. When you're done, you're done. We're on this earth to have some fun, and that's the way things are. Celebrate. When I'm human, and I'm gonna be, I'm gonna tear it up like I did before, and that's a royal guarantee. When We're Human de Randy Newman sur France Culture à 16h et bientôt 40 minutes déjà. Le temps passe très vite quand on parle de la naissance de la société humaine, des sociétés ou des constructions sociales humaines. Nous en parlons avec Aline Thomas qui est archéo-anthropologue et Roland Nespoulet, préhistorien, tous deux au Muséum National d'Histoire Naturelle. On arrive dans l'histoire en remontant la chronologie à cette bascule entre le paléolithique et le néolithique. Vous l'aviez évoqué juste avant la musique, Roland Nespoulet, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. On dit beaucoup que la naissance véritable d'une société fixe, c'est la sédentarisation du néolithique, mais avant cela, ces chasseurs-cueilleurs, ils étaient déjà structurés. Est-ce qu'on sait s'ils avaient des rôles sociaux? Est-ce qu'on sait s'ils étaient constitués en hiérarchie? Est-ce qu'on sait si c'était des groupes homogènes ou des groupes hétérogènes qui se divisaient, qui se réunissaient? Quelles sont les informations qu'on a sur ces sociétés-là au paléolithique supérieur? Au paléolithique supérieur, je crois qu'on pourrait on peut même l'envisager pour des périodes plus anciennes, mais des choses qui sont bien étudiées et de plus en plus maintenant, c'est la notion, et là je parle encore de culture matérielle, c'est ce qu'on peut étudier en fait, ce qui nous est parvenu, la notion de savoir-faire. Alors c'est un concept qui est largement emprunté à l'ethnographie. André Leroy-Gourhan avait été un des grands initiateurs de ça en France. Et qu'est-ce qu'on peut voir à travers les savoir-faire? On peut voir des phénomènes de transmission de savoir-faire et des faits de savoir-faire qui perdurent dans le temps. Autrement dit, et pour faire une sorte de raccourci, on peut dans certains cas et sur certains sites mettre en avant des zones où il y a un ou une maîtresse tailleuse, peu importe, là c'est pas une question de genre, mais quelqu'un qui maîtrise mieux la taille du silex que le reste du groupe et qui produit ses lames de silex ou ses outils pour l'ensemble du groupe. Donc là il y a bien une spécialisation dans une activité qui répond à des besoins du groupe. Là on a bien affaire à un artisan spécialisé, et ça se passe, ça a été bien décrit pour le Magdalénien notamment, mais ça se passe pour des périodes plus anciennes. Donc cette maîtrise par un individu particulier d'une technique fait qu'il se différencie, il devient un artisan au sein du groupe. Et parallèlement, il y a toujours, dans ce qu'on appelle les industries lithiques, c'est un mot sur lequel je voulais qu'on revienne sur l'épistémologie, mais c'est un autre sujet, dans les industries lithiques, il y a toujours un fond commun. En gros, personne du groupe est capable de tailler le tout venant, en fait. Mais pour les productions spécialisées, là, clairement, on a des cas, tout cas tout à fait bien documentée, de spécialistes de la taille du silex. On a longtemps admis que l'une des clés de l'évolution de Sapiens, notamment, ça a été son passage, ou en tout cas du genre homo, ça a été son passage à la consommation de viande, que l'apport de protéines carnées avait certainement changé des choses au niveau physiologique. On lit aujourd'hui que ce n'est peut-être pas tant la consommation de viande que la pratique elle-même de la chasse qui suppose la structuration en groupe social, qu'elle oblige à la coopération, à la coordination, à la division du travail, que symboliquement elle aussi confronte l'homme à la mort d'un animal, au meurtre d'une créature vivante. Est-ce que vous partagez cet avis, Roland Espoulet? C'est une notion qui est assez difficile à évaluer. En gros, quel est l'apport biologique de l'alimentation carnée et quelle est sa fonction sociale? Je pense que les deux sont évidemment intimement liés. Ce que ça m'évoque immédiatement, et c'est pas pour botter en touche, pardon, hein, c'est que dans les sujets qui, moi, m'intéressent beaucoup, notamment dans les populations d'Homo sapiens en Afrique, dont on sait maintenant qu'elles ont au moins 300 000 ans, c'est l'apport de l'alimentation maritime, c'est-à-dire pas la pêche, mais en fait la pêche à pied et l'apport énergétique de la consommation des coquillages. Et ça, c'est certainement quelque chose qui est assez invariant. Du sud au nord de l'Afrique, on retrouve ces consommations de coquillages à grande échelle dans tous les sites archéologiques depuis 200 000 ans. Donc il n'y a pas que l'apport carné, il y a aussi des spécialisations dans l'alimentation, notamment sur les zones littorales, et on sait que c'est un apport important pour le fonctionnement du corps humain. Aline Thomas, votre avis sur cette fonction finalement cognitive de la chasse, plus que seulement physiologique? Moi, ce que ça m'évoque, c'est concrètement un exemple sur lequel je travaille sur le néolithique. C'est donc, comme vous le savez, le néolithique, c'est l'avènement de l'agriculture, de l'élevage, de la domestication, donc de la faune, de la flore, de la sédentarisation et donc du recul de la chasse. Or, pour des populations néolithiques de la région ici, dans le bassin parisien, on constate pour des populations qui sont largement néolithisées, c'est-à-dire le phénomène de bascule est passé depuis au moins 1000 ans, on constate dans leur pratique funéraire que tout le viatique, tous les objets déposés dans les tombes font référence à la chasse et au monde sauvage. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont les objets, ils ont l'équipement du chasseur, les arcs, flèches, et puis les objets qui sont façonnés, les pendeloques, qui sont façonnés sur ossements ou sur dents, sont façonnés sur ossements et dents d'animaux sauvages. Donc ça pose question, parce que pourquoi des agriculteurs font dans leur pratique funéraire référence à la sphère cinégétique ou d'une façon plus générale au monde guerrier, puisqu'on a des armes? Ça pose question. Et parallèlement, on constate dans leur espace domestique, dans leur relief alimentaire, dans leur rejet alimentaire, on constate que la faune qui a été consommée au quotidien, c'est de la faune domestique. Donc on a bien affaire à des agriculteurs éleveurs. Ce que j'ai pu constater en croisant, je vous le disais, l'intérêt c'est pluridisciplinaire, c'est de croiser les données du fonctionnement funéraire, ce qu'on retrouve dans les sépultures, donc qui nous donne une information sur les références idéologiques de ce groupe. Croisé aux données biologiques, j'ai pu mettre en évidence que les individus qu'on avait une structuration genrée pour commencer, c'est-à-dire que les individus qui étaient inhumés avec des armatures et des flèches et des arcs, ce sont uniquement des hommes. Pour ce qui est des adultes, ce sont uniquement des hommes. Donc ça, c'est ça peut paraître intuitif, mais reste à le démontrer. Il fallait le démontrer, donc il fallait déterminer, diagnostiquer les squelettes, déterminer qu'est-ce qui était un homme et une femme, voir la corrélation, elle est significative, elle est statistique. Et plus que ça, c'est-à-dire que les hommes qui ont des armes dans leur tombe, alors qu'on pourrait penser que c'était simplement des armes symboliques, puisqu'on a affaire à des agriculteurs, en déterminant, en identifiant, en analysant les marqueurs osseux d'activité, tous ces stigmates ostéologiques qui déterminent des activités, j'ai pu déterminer que ces individus ont effectivement pratiqué l'archerie. Donc on a bien affaire à des vrais archers qui ont pratiqué la chasse ou l'archerie d'une façon plus neutre pour autre chose que pour récupérer de l'alimentation pour le groupe. Donc on a ici affaire à un trait culturel, identitaire, qui relève d'un choix qui va au-delà de simplement l'alimentation quotidienne. C'est, cette structuration genrée, Roland Despoulet, autour de la chasse notamment, elle se retrouve systématiquement depuis le début, depuis le paléolithique inférieur, ou est-ce qu'il y a une spécialisation à un moment donné? Est-ce que, quelles sont les traces que l'on en a? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, je précise que je ne suis pas paléanthropologue. Et moi, je suis très mal à l'aise avec cette notion-là, en tout cas pour les périodes les plus anciennes, parce que très souvent, en tout cas dans le registre archéologique, on ne peut pas inférer sur la question de genre. Mais vraiment. Hein. Alors, il y a eu quelques tentatives, notamment dans l'art pariétal, mais d'une façon générale, on n'y arrive pas. Et l'exemple qui me vient en tête, et qui renvoie d'ailleurs à 10 ans de fouilles qu'on a menées en Dordogne, je l'évoquais tout à l'heure, notamment à une collaboration qu'on a toujours avec Dominique Henri Gambier, qui elle est paléanthropologue, spécialiste d'Homo sapiens du paléolithique supérieur. Elle a publié pas mal d'articles sur ce sujet, et en particulier une synthèse où elle a fait les décomptes. Je vais vous donner quelques chiffres pour savoir de quoi on parle en Bien fait. Sûr. Pour la période du Gravettien qui reprend à peu près 8000 ans de culture, ce qui est quand même pas rien, hein, c'est 4 fois la nôtre en gros quoi. Et sur l'ensemble de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale, on a 100 sépultures, ou en tout cas 100 individus. On parle d'individus. Donc ça fait quand même très peu. Hein, sur un tel espace géographique, une telle durée, on a finalement très peu de squelettes. Et la conclusion synthétique de Dominique Henri Gambier sur ce sujet-là, donc de l'existence ou pas, à travers ces sépultures, ces tombes ou ces squelettes d'une structuration sociale, c'est non, on ne peut pas le dire. On n'a pas assez de données pour en parler. Voilà. Alors ça peut paraître un peu frustrant d'en arriver là. C'est sûr qu'on va aller au-delà. Il y a notamment en ce moment Sébastien Villotte qui a un programme ANR et qui est en train de se terminer sur ce sujet-là. Il a repris l'ensemble des données ostéologiques. Et alors, je ne connais pas encore ses résultats, mais certainement il va avancer notamment du côté de l'étude anthropologique de ces vestiges et aller plus loin sur les pratiques, sur la structuration. Mais d'une façon générale, vous voyez qu'on a très peu d'éléments pour les périodes, et pourtant finalement pas tellement anciennes. Hein. Quand je vous parle de 8000 ans, on est entre, je vous le rappelle, moins 30 000 à peu près, et moins 20 000. Donc c'est pour nous, c'est hier. C'est l'histoire récente. C'est l'histoire très récente. Pour encore plus ancien, c'est encore plus difficile, c'est clair. Pour arriver justement, je l'évoquais hein, tout à l'heure en tout début d'émission sur ce qu'on a longtemps appelé la révolution néolithique, on a souvent associé la sédentarisation d'Homo sapiens avec le développement de la culture, de l'agriculture et de l'élevage. On sait aujourd'hui que ça n'est plus le cas, que ça n'est plus vrai partout. On a trouvé des villages ou des groupements de maisons de chasseurs-cueilleurs. Oui, Thomas. Là, on remet pas en cause le concept de révolution néolithique dans le sens où ce basculement de chasseur-cueilleur à agriculteur-éleveur est suffisamment important pour souligner le caractère radical de cette transition. Et l'explosion démographique et voilà, qui s'ensuit. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça a une telle conséquence démographique que, il s'agit de le souligner. Cela dit, voilà, il est faux de croire que c'est quelque chose d'homogène, que c'est quelque chose de rapide. Révolution, ça peut sous-entendre ça, et ce n'est pas le cas. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur le temps long. Et de manière relativement différente. Alors, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que ça s'est passé, ça a émergé il y a à peu près 10 000 ans, c'est-à-dire cette invention spontanée à différents endroits du globe autour de 10 000 ans à la faveur d'un réchauffement climatique. On passe à la période holocène. Et puis après, par effet de diffusion, d'acculturation, de migration des populations, cette pratique de la sédentarisation et de l'agriculture et de l'élevage s'est diffusée. Or, effectivement, on sait encore qu'aujourd'hui, certaines populations sont restées chasseurs-cueilleurs et sont semi-nomades. Il y a une proposition qui est faite, qui est de substituer à l'opposition chasseurs-cueilleurs-cultivateurs une opposition entre, ou en tout cas, une démarcation qui serait celle de l'économie du stockage à grande échelle d'une ressource alimentaire, comme vraiment bascule, c'est-à-dire la preuve qu'à un moment donné, il y a une forme de sédentarisation. Qu'en pensez-vous, Roland Despoulet? Alors ça, oui, c'est une forme finalement de relation à l'environnement. Une sorte de proto-domestication. On sait qu'il y a, notamment je pense à l'Afrique du Nord, des pratiques de proto-pastoralisme où en fait on capte des animaux sauvages et on les enferme dans des fonds d'abri ou dans des fonds de grottes. On n'est pas encore dans l'élevage, mais on maintient la source sauvage. La question, c'était de savoir si à l'opposition chasseur-cueilleur, cultivateur d'un côté, finalement, le fait de le stockage alimentaire ne serait pas un meilleur marqueur précisément du changement d'organisation sociale. Merci. l'idée que je voulais développer, c'est que il y a parallèlement à ce qui se passe au néolithique, une augmentation démographique, et que durant les temps paléolithiques, il y a une très très très faible démographie, et que ces groupes-là, ils peuvent non seulement ils sont mobiles, mais en plus ils ont des ressources dans l'environnement qui ne nécessite pas finalement le stockage. On a besoin de stocker à grande échelle à partir du moment où il y a une concentration humaine. Donc je pense que les deux choses sont assez logiques et vont de pair, c'est-à-dire dans ce rapport à l'environnement, de ces deux types de sociétés, il y a bien une nécessité d'avoir beaucoup de stocks parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. Ce qui n'est pas le cas des chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Donc là, effectivement, il y a un basculement. Vous évoquiez tout à l'heure l'apparition d'artisans spécialistes. Quelles sont les premières traces, les premières interprétations à peu près indiscutables, en tout cas, de l'établissement d'une hiérarchie sociale au sein du groupe Aline Thomas? En tout cas, les traces les plus manifestes, elles se situent au néolithique. Rien ne nous permet d'évacuer définitivement la possibilité que les populations paléolithiques aient eu une structuration hiérarchique, structurée. En tout cas, de façon manifeste, les preuves archéologiques, on les trouve au néolithique et de façon évidente à travers l'archéologie funéraire. Puisque c'est à cette époque-là que l'on va voir les premières structures funéraires monumentales, les premières tombes monumentales. Les tombes mégalithiques bien connues du grand public sur la frange atlantique ne sont pas les toutes premières. En Europe, par exemple, les premières, on le sait peu, parce qu'elles ont laissé moins de traces évidentes au premier abord, mais les premières sépultures monumentales qui sont juste avant les tombes mégalithiques de la frange atlantique, elles proviennent du bassin parisien. Elles ont été construites en terre et en bois. Alors, elles représentent des sortes de longs tumulus, ça peut faire plus de 400 mètres de long. Donc, il y a engendré énormément de travail collectif, nécessairement collectif, et ces longs tumulus vont accueillir une seule sépulture. Donc, travail collectif au bénéfice d'un seul individu, on commence à percevoir une structuration avec une force autoritaire nécessaire pour organiser tout ça. Cette force autoritaire, c'est toujours un chef de clan, c'est plutôt un début d'organisation de type religieux ou spirituel. Qu'est-ce qu'on en sait ? On parle de société de type chefferie, parce qu'on reste dans un milieu rural avec des petits territoires, des petites populations qui sont sans doute sous cette même autorité. Alors effectivement, de quel ordre est cette autorité ? Est-elle religieuse ? Est-elle politique ? Probablement quelque chose d'hybride, c'est difficile à percevoir. En tout cas, à nouveau, les données de l'archéologie funéraire permettent déjà parfois d'identifier ces individus privilégiés. Maintenant, de savoir... Donc il y a quelque chose d'idéologique, de funéraire... Enfin, métaphysique à nouveau derrière tout ça. En tout cas, ces personnes sont valorisées à travers le funéraire. Voilà. De quelle nature exacte, difficile à dire. Et un dernier mot pour conclure aussi, est-ce qu'on a des traces, est-ce qu'on a des indices qui nous laissent deviner à partir de quel moment on passe de l'intérêt collectif du groupe à l'intérêt individuel et donc à l'appropriation d'un bien, d'un terrain, d'un animal, d'une maison, donc l'apparition de la propriété privée? C'est difficile à dire. En tout cas, pour le néolithique, il n'y a rien de linéaire, j'ai envie de dire. Voilà, pour répondre assez brièvement, on constate au cours, par exemple, du néolithique, à une période au 5e millénaire avant, on va voir que certains individus sont valorisés. On a quelque chose, en tout cas, orienté vraiment sur l'individu. Et puis, un millénaire plus tard, on a des sépultures collectives où toute la communauté est inhumée de la même manière. On a une sorte de nivellement social. On a quelque chose d'assez... qui oscille comme ça au cours du temps. Roland Espoulet, à moi, à ce propos. Moi, ce que ça m'évoque, je pense d'ailleurs à Cro-Magnon en ce moment-là. Et vous savez peut-être que cette année, on fait fêter les 150 ans de la découverte de ces vestiges humains trouvés en Dordogne. C'est que dans le registre de la culture de ces hommes-là, il y a des objets qui semblent avoir duré beaucoup plus longtemps que les autres. C'est-à-dire qu'il y a la lame qu'on utilise 10 minutes, 1 heure et qu'on abandonne. Et puis, il y a l'objet, par exemple, un propulseur sculpté, des pièces polies, des pièces à haut investissement technique qui semblent bien et d'ailleurs qu'on retrouve dans les tombes parfois. qui semblent bien être des objets individuels. Ce sera le mot de la fin, pas tout à fait, puisque à 16h54, en cette nouvelle année, c'est le retour de notre bibliothèque des sciences tous les jeudis. Un scientifique qui vient nous raconter quel ouvrage a marqué sa carrière scientifique. Et puis aujourd'hui, je vous dis, on reste dans la thématique, puisque c'est Pascal Pic qui va nous parler du livre qui a changé sa carrière. Écoutez. La bibliothèque des sciences. Alors j'ai choisi « Pourquoi j'ai mangé mon père », qui est devenu un classique, un best-seller de Roy Lewis, écrit en 1963, mais dont la traduction française absolument géniale, faite par Théodore Monod, a été publiée en 1991. Alors voilà un passage. Père était aux anges de lui faire visiter son domaine avec toutes ses améliorations, à commencer bien sûr par le feu. « Ils l'ont en Chine aussi, » dit oncle Yann. « Quoi ?» s'exclama père. J'ai du mal à le croire. « Si, si, si, si !» répéta l'oncle Yann. « Ils sont toujours les premiers pour tout. »« Savent-ils en faire ?» demanda père, inquiet. « Ça ne m'étonnerait point, » dit oncle Yann. Mais il avait marqué une légère hésitation. « Je te parie que non, » dit père d'un ton cassant. « Nous avons décidément une avance technologique, nous autres ici. »« Parce que vous savez en faire ?» dit oncle Yann. « Pas absolument, dit père, mais nos travaux sont en bonne voie et nous pouvons prévoir avec confiance que dès la fin des expériences en cours, nous serons en mesure d'annoncer... »« Oui, dit oncle Yann, et il se mit à sucer une dent creuse. « Et Vania, que devient-il ?»« Toujours sur la branche, dit père, vexé. » L'oncle perdu et retrouvé fut régalé avec les meilleurs morceaux dont nous disposions. Côte première de mammouth, escalope de calicotérium, cuisseau de zèbre, épaule d'agneau et hure de sanglier. Comme entrée, cervelle de babouin et œufs de crocodile, garnie de sangcaillers de tortue dont tante Gudule se souvenait qu'il était friand. Alors pourquoi j'ai mangé mon père ? Il y a l'oncle Vania. Dans ce passage, l'oncle Yann s'étonne, il est encore où ? Mais il est dans les arbres. Donc parce que c'est un vieux réactionnaire et il est toujours back to the trees. Donc il ne veut pas évoluer, il ne veut pas sortir, il ne veut pas que sa société change. Mais néanmoins, il aime bien les inventions, les innovations de Edouard, qui est le père inventeur. Et puis c'est intéressant cette histoire de feu, parce que c'est vraiment notre actualité, dans la mesure où les données les plus récentes nous montrent que le feu a émergé en Afrique, mais on l'a aussi très tôt en Chine. Donc comme on a une vague de premiers hommes, là, comme ça, autour de 2 millions d'années, et les premières flammes qui émergent en archéologie, si je puis dire, donc ce livre, évidemment, ça n'a pas été fait exprès, le livre date de 1963, mais c'est extraordinaire. Mais il y a autre chose dans ce livre qui est absolument fabuleux. Traduit par Vercors. Ça, c'est extraordinaire. Vercors, c'est celui qui a écrit « Les animaux dénaturés », 1952. Et donc Théodore Monod avait suggéré à Vercors de traduire ce livre, qui est d'une qualité littéraire extraordinaire. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une ligne à changer sur les problématiques actuelles autour du premier homme. C'est incroyable. C'est ça qui fascine chez les gens de grande qualité littéraire, c'est qu'ils ont, contrairement à nous les scientifiques, cette espèce d'intuition, nous on doit prouver, on a l'intuition bien évidemment, mais c'est quand même extraordinaire quand même de voir que deux problématiques actuelles, les bipédies qui reviennent du monde des arbres et ce feu qui est plus répandu depuis 2 millions d'années, sont déjà dans ce livre qui n'était pas du tout un livre qui était destiné à faire des hypothèses. Et puis il y a autre chose pour notre modernité. C'est un livre extraordinaire sur les problèmes entre la différence invention innovation. On peut inventer des tas de choses, mais ça ne reste pas quelque chose d'utile tant que ce n'est pas une innovation, tant que son usage ne va pas changer la société, l'outil, l'habitat, enfin voilà, que ce soit un phénomène de société. Et ce livre est extraordinaire parce qu'on a un inventeur fabuleux qui s'appelle Edouard, mais cet homme complètement embarqué dans ses idées, dans ses fantasmes de progrès, eh bien, il n'arrive pas à innover parce qu'il n'arrive pas à convaincre les archaïsmes des sociétés. Et c'est un livre d'une incroyable actualité pour notre modernité. Voilà la bibliothèque des sciences de Pascal Pic. Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Merci à mes deux invités du jour. Merci à Lynn Thomas. Merci Roland Espoulet. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Un mot pour vous dire rapidement que dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine. 4 expériences de retour à la nature par Marie Chartron et François Test. C'est pour vous dire que demain, eh bien, c'est le grand retour de notre table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. On parlera entre autres de notre plus vieil ancêtre, non pas l'être humain, mais l'éponge, de l'éradication de la polio et d'Internet quantique. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.